et dirigé par un certain général Franco, décide d'étouffer cette république trop à gauche. Et c'est la guerre civile, une guerre atroce. J'aurai la victoire, dû la moitié de l'Espagne y périr, général Mola. Vive la muerte, vive la mort, général Milan Astray. Compañero, atención, el primero que se le vea asomar por las ventanas, fuego sobre él. La guerre d'Espagne casse la France en deux. Herriot dit à Blum, mon grand, ne te mêle pas de cette affaire, c'est trop dangereux. La droite agite l'épouvantail de la guerre. Les catholiques sont déchirés. L'humanité écrit, Français, ceux qui meurent là-bas meurent pour vous. Quelques dizaines de volontaires partent à travers les cols des Pyrénées au secours de la République espagnole et fondent les brigades internationales. André Malraux, aidé en secret par le ministre de l'air, le socialiste Pierre Cotte, rassemble 50 vieux coucous et fonde l'escadrille Espagne. Pour Staline, cette révolution espagnole fait désordre avec ses partis et ses syndicats anarchistes. Il lui envoie des tanks, des canons et quelques spécialistes de l'armée rouge, c'est tout. Il la soutient, mais du bout des doigts. Que va faire le gouvernement du Front Populaire? L'écho de Paris révèle qu'il s'apprête à livrer en secret des armes aux Espagnols. C'est un tollé général. Monsieur Baldwin, le premier ministre anglais, téléphone directement au président de la République, Monsieur Lebrun. Si Hitler saisit ce prétexte pour déclencher la guerre, l'Angleterre restera neutre. Les ministres radicaux menacent de quitter le gouvernement. La livraison d'armes est annulée. Le martyre de Léon Blum commence. « Je n'en vis plus », dit-il à Pietro Nenni. Il court à Londres, à Genève, propose un pacte de non-intervention en Espagne. Les Russes disent d'accord, Hitler et Mussolini signent tous les chiffons de papier qu'on voudra et se frottent les mains. Cela ne les empêche pas d'aider ouvertement et massivement Franco. Mussolini envoie 120 000 Italiens se battre en Espagne, Salazar 20 000 Portugais. Quant à Hitler, il offre l'arme qui donnera la victoire aux franquistes, l'aviation. Les pilotes allemands de la Légion Condor, qui bombarderont un jour Varsovie, Londres et Amsterdam, se font la main sur Madrid. Le 26 avril, sur la petite ville de Guernica, ils inaugurent la tactique du tapis de bombes. Ce jour-là, la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Ici, en Espagne. À Paris, le peuple ne comprend pas pourquoi le Front Populaire abandonne le Frente Popular. Dans Irún encerclé, les miliciens républicains ont tiré à blanc toute la journée et toute la nuit, attendant 20 wagons de munitions arrêtés à la frontière par les douaniers français. Au matin, Irún est tombé. À Luna Park, devant 40 000 militants socialistes, Léon Blum vient se justifier, des sanglots dans la voix. Est-ce qu'il y a un seul d'entre vous qui puisse croire de moi que 3 mois d'exercice du pouvoir aient fait de moi un homme autre que celui que vous connaissez depuis tant d'années? Vous savez bien que je n'ai pas changé et que je suis toujours le même. Est-ce que vous croyez qu'il y ait un seul de vos sentiments que je ne comprenne pas et que je n'éprouve pas? Croyez-vous, quand je lisais comme vous, dans les dépêches, le récit de la prise d'Irun et de l'agonie des derniers miliciens. Est-ce que vous croyez par hasard que mon cœur est moins déchiré que le vôtre? Si on me demande de revenir sur la position du gouvernement et de déchirer le papier que nous avons signé aujourd'hui, comme hier, je réponds non. Impossible à mes yeux, dans leur présence, d'agir autrement. Je n'admettrai jamais que la guerre soit inévitable et fatale. Jusqu'à la dernière limite de mon pouvoir et jusqu'au dernier souffle de ma vie, s'il le faut. La rentrée d'automne est mélancolique. Le franc est dévalué de 25%. Les ouvriers perdent en septembre ce qu'ils avaient gagné en juin. De toute façon, c'était trop tard. La semaine de 40 heures appliquée trop brutalement casse la reprise. Pour le Front populaire, c'est le coup de grâce, la défaite économique. L'Espagne abandonnée, le franc dévalué, que d'illusions perdues en 3 mois. Ils vont tous se retrouver une dernière fois pour l'enterrement de Roger Salengro, le ministre socialiste de l'Intérieur. Une campagne de presse l'a accusé d'avoir déserté son poste pendant la guerre de 14-18. Ses nerfs ont lâché, il s'est suicidé. Ce sont leurs illusions qu'ils enterrent ce jour-là. Avant un an, Torres traitera Léon Blum d'assassin de la classe ouvrière. Avant 2 ans, Daladier jettera les communistes en prison. Avant 4 ans, la chambre du Front populaire votera à Vichy les pleins pouvoirs à Pétain. Et pourtant, quelque chose a changé pour toujours au cours de ces chaudes journées de l'été 1936. En 73 jours, 135 lois ont été votées. Elles n'ont pas changé la société. Les patrons sont toujours les patrons, les ouvriers sont toujours les ouvriers, mais elles ont transformé la condition des travailleurs. Jadis, ils n'avaient que des devoirs. Depuis juin 36, ils ont aussi des droits. Ils changeront de bouche quand les stars elles changeront demain. Quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin. Quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagous elles changeront de doigts. Quand l'omari changera de fourchette, les employés on sera les rois. Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. C'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors la vie est gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront demain, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagous elles changeront de doigt, quand l'homard ils changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Quand on parle de sécurité sociale, on pense à la carte vitale et au remboursement des soins de santé.

La France sait que la liberté de conscience est la mère de toutes les libertés. Alors l'attentat de Bayonne est une alerte fondatrice. Il est le résultat évident d'une écœurante et odieuse séquence de stigmatisation des musulmans. La parole raciste contre les musulmans s'est déchaînée et délibérément elle aura été banalisée. C'est une odieuse diversion face aux problèmes centraux de notre pays. Nous redoutons que cet attentat résulte d'une action banalisée de longue date venant de certains milieux d'extrême droite et nous redoutons qu'il soit prêt à pire encore. Devant cet attentat, comme devant tous les autres, la France doit réagir concrètement et moralement, spirituellement, oserais-je dire. La parole officielle doit être débarrassée de toute forme de stigmatisation des musulmans. Il ne faut plus permettre que la propagande pour la haine des musulmans soit diffusée par des organes audiovisuels à qui l'État a donné un canal d'émission. Les groupuscules d'extrême droite opérés par la Commission doivent être interdits. Êtes-vous prêt à me suivre sur ce terrain, monsieur le Premier ministre ? Merci, monsieur le Président. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le Président Mélenchon, comme vous, je voudrais mon émotion et mes vœux de prompt rétablissement à destination de ceux qui, hier, ont été blessés dans l'attaque qui s'est déroulée à la mosquée de Bayonne. Dire un mot de soutien à leur famille, plus qu'un mot, une vraie pensée amicale et républicaine à destination de deux familles qui se trouvent affectées et qui sont angoissées par l'état de santé de leurs membres. Vous avez raison, monsieur le Président Mélenchon, nous devons faire très attention à ce que nous tous ici, responsables élus ou responsables politiques, nous disons. Et singulièrement lorsque nous parlons de religion, de toutes les religions, et je viendrai ensuite à la question de cette religion en particulier, mais de toutes les religions. Vous connaissez l'histoire de France, monsieur le Président Mélenchon, il nous arrive parfois d'en discuter ensemble. Et nous savons, monsieur le Président Mélenchon, que les relations entre l'État et les religions n'ont jamais été simples. Et que lorsque l'État se mêle des religions, lorsque l'État se mêle de dire comment il faut croire ou ne pas croire, les sujets deviennent compliqués. Je n'ai pour ma part jamais cru que la religion était l'opium du peuple. Et je respecte le sacré. Et parce que je suis un républicain, comme nous tous ici, je sais que la République a fait le choix, il y a maintenant longtemps, de reconnaître à chacun de nos concitoyens la liberté de croire ou de ne pas croire, et la liberté d'exercer son culte dans le respect de la loi. Je le sais. Je vois bien que le débat politique est plein de passion, parfois plein d'invectives, parfois plein d'amalgames. D'un côté et de l'autre, quelles que soient les positions tenues, on s'accuse de ne pas comprendre la menace contre la République, d'accuser telle ou telle partie de nos concitoyens. Je voudrais dire ici, monsieur le Président Mélenchon, qu'il me paraît que dans une démocratie mûre comme la nôtre, dans une République sûre de ses principes, nous pourrions tous ensemble considérer qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Et qu'à chaque fois que l'on pointe telle ou telle confession ou telle partie du peuple, alors on appauvrit ce qu'est la République, c'est-à-dire une union, une nation, un plébiscite de tous les jours de gens qui ne sont pas semblables, qui ne croient pas la même chose, qui ne se ressemblent pas tous, mais qui sont unis dans les valeurs de la République et dans le respect de la loi. Chacun doit donc, mesdames et messieurs les députés, monsieur le Président Mélenchon, être responsable de ses propos, ne jamais être naïf, car dire que notre pays subit parfois les attaques du dévoiement d'une religion n'est pas faire offense à nos concitoyens de telle ou telle confession. C'est un fait, et c'est d'ailleurs un fait qui n'est pas propre à notre République, qui n'est pas propre à la France, qui est un des combats du XXIe siècle. Nous le savons. Nous pouvons l'assumer, sans jamais oublier ce qui fait notre socle républicain commun, la liberté de croire ou de ne pas croire, le respect absolu de la loi que vous votez et de la loi que le gouvernement fait respecter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Depuis la nuit des temps, on s'étripe gaiement au nom de Dieu. On continue pourtant en faisant toujours mieux, il est jamais content. On lui a fait des églises pour calmer son courroux, courroux, coucou. Des temples et des mecs, ou des femmes et des mecs, l'honneur est à genoux. Parmi tous ces mordus, ces millions de fanas, toutes ces brebis, y a ceux qui adorent Jésus, ceux qui préfèrent Allah, d'autres leurs canaries. Si t'es athée, c'est tu, pour ces gars t'es foutu, turlututu. Ils disent que tu te gourres et que Dieu est amour, et après ils te tuent. On brûle à les sorciers, les homos sans papier, les francs-maçons. Et même on fit becter à de pauvres lions, Blandine et les garçons. Le bon roi Saint-Louis massacra les harkis jusqu'à Tunis, puis revint sous le gui mettre l'étoile aux juifs et rendre l'injustice. Charles IX le Cato offrit au parpaillot au nom de Dieu la Saint-Barthélemy, les Irlandais depuis n'ont pas fait beaucoup mieux. Monsieur Christophe Colomb, il vendredi n'aimait que le poisson, cria au chalumeau tous les Géronimo qui mangeaient du bison. Pas de préservatif, dit le souverain pontife au nom de Dieu. Et cette manière sage de réduire le chômage en fit un homme heureux. Il y a ces fous de Dieu qui, au nom de la vertu, chapeau pointu, égorgent bravement des femmes et des enfants en lisant le Coran. Depuis la nuit des temps, on s'étripe gaiement au nom de Dieu. On continue pourtant en faisant toujours mieux, il est jamais content. Si ce Dieu juste et bon n'envoie ses oraisons qu'à des tueurs, doit-on penser qu'alors l'oraison du plus fort est toujours la meilleure? Doit-on penser qu'alors l'oraison du plus fort est toujours la meilleure? Est toujours la meilleure. Alors évidemment, ça m'alerte. Créer, universel, des droits, de la consultation, c'est trop beau pour être vrai. Du coup, je me tourne souvent vers toi, Serge, pour que tu m'expliques tout ça. De quoi s'agit-il ? Ah, écoute, c'est le grand chantier, un nouveau grand chantier du président Emmanuel Macron et de son premier ministre, Édouard Philippe. Alors, il y a un calendrier d'abord sur cette affaire. Donc, il y a consultation des partenaires sociaux jusqu'au mois de décembre, présentation d'un projet de loi à l'été 2019 pour une application en 2025, ça tombe bien, nous serons dans le quinquennat suivant. Donc, ah, oui. En cas de mobilisation contre ce projet, en tout cas, on se donne quand même une certaine respiration. Réduction des risques. Voilà, réduction des risques. Alors, normalement, il est prévu que ça ne change rien pour les conditions de départ à la retraite de ceux qui sont à 5 ans de leur échéance. Et pour les autres, la transition sera progressive pendant une période d'environ 10 ans. Alors on va rentrer tout de suite dans le projet, histoire de voir de quoi il retourne. Alors il y a d'abord ceux qui disparaissent, les 42 régimes de retraite, les 4 trimestres cotisés. Pour quelqu'un né en 1959, comme moi par exemple, il faut avoir cotisé 167 trimestres, soit 41 ans et 9 mois. Puis le taux plein et la décote, toujours pour quelqu'un né en 59, le taux plein à 67 ans, 6 départs à 62 ans, eh bien une décote. Voilà pourquoi je vais rester encore 10 ans aux médias. Et puis le mode de calcul, les 25 meilleures années dans le le privé et les 6 derniers mois dans le secteur public, tout ça, ça disparaît. Alors maintenant, ce qu'il reste, eh bien il reste le système de répartition, c'est-à-dire que les actifs vont payer pour les retraités et l'âge légal de départ à la retraite. Et puis, le cœur du projet. Alors, le gouvernement réfléchit à deux hypothèses. La retraite par points. Donc, en versant ses cotisations, le salarié acquiert des points. Ces points sont convertis en rente lors de son départ à la retraite, mais la valeur du point est à déterminer. C'est un peu comme ça que fonctionne le régime complémentaire des retraites, l'AGIRC et l'ARCO. Et puis alors, il y a un mot qu'il va falloir, une expression qu'il va falloir que tu rentres dans ta tête, parce que tu vas l'entendre souvent, c'est ce qu'on appelle le compte notionnel. Alors qu'est-ce que c'est le compte notionnel? Eh bien là, le salarié accumule un capital virtuel d'euros en fonction de ses cotisations. Capital qui est converti en rente après application d'un coefficient fondé sur l'espérance de vie de sa génération. Ainsi, moi qui te parle, normalement, je devrais vivre jusqu'à 82, 83 ans. J'ai bien l'intention d'aller plus loin. Donc ça veut dire que j'aurai 15 ans d'espérance de vie si je pars à 67 ans. Donc on va appliquer un coefficient pour calculer la valeur du point et donc ce que je toucherai. Voilà. Sauf que pour l'instant, je n'en sais rien et eux-mêmes d'ailleurs n'en savent pas non plus davantage. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser de ce système, tu vas me dire? Eh ben, d'abord, les fonctionnaires vont y perdre. Parce que le calcul sur les 6 derniers mois, ils vont passer du calcul sur les 6 derniers mois de leur carrière à un calcul sur l'ensemble de leur carrière. Alors, il faut savoir que si les fonctionnaires ont ce qui peut passer pour un privilège, ce vilain mot, c'est qu'en réalité, comme leurs traitements sont souvent inférieurs aux rémunérations auxquelles ils pourraient prétendre dans le privé, c'est pour ça qu'on calcule sur les 6 derniers mois. Parce que sinon, ils sont lésés. Eh bien là, ils vont être lésés, nous le savons. Sous prétexte d'égalité, bien sûr. Le départ en retraite, eh bien, tout le monde souhaite partir en retraite le plus tôt possible, pour profiter quand même de la vie. Eh bien là, le départ en retraite va être repoussé. Pourquoi? Parce que dans ce système, plus je continue à travailler, plus j'augmente mon capital de points. Donc si j'ai comme perspective d'avoir une petite retraite, je vais continuer à travailler jusqu'au bout. Et c'est un système extrêmement pervers de ce point de vue-là. Ça veut dire que ça peut pousser des gens, finalement, à ne pas prendre leur retraite parce que ils essaieront jusqu'au bout de capitaliser des points en se disant « ben l'année prochaine, je partirai ». Puis un jour, trop tard, ils ne partiront pas parce qu'ils sont morts. Et puis, le montant des retraites n'est plus garanti. Et c'est ça qu'on perçoit mal dans ce système, c'est que le mode de calcul aujourd'hui ne prend pas en compte les cotisations des actifs qui sont effectivement encaissés. S'il manque de l'argent dans les caisses de retraite, c'est le contribuable qui vient à la rescousse et les pensions sont versées. C'est ce qu'on appelle la prestation définie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contrat moral, on sait ce qu'on va toucher et peu importe le rapport entre le nombre de cotisants, le volume des cotisants, si tu veux, actifs par définition, et puis les retraités. Avec le système du capital de points, tout ça va changer. La valeur de conversion du point va dépendre du nombre d'actifs cotisants. C'est-à-dire que si la situation économique est mauvaise, si le taux de chômage augmente, ben il est évident qu'on va baisser la valeur du point de retraite. À l'inverse, s'il y a une embellie économique, mais ce gouvernement nous promet une embellie économique, tout va aller mieux demain, on sera gratis, donc le point de retraite devrait monter et il n'y aurait pas de problème. Mais en articulant la valeur du point de retraite sur le nombre d'actifs cotisants, eh bien on s'expose à de sérieuses déconvenues et vraisemblablement à une diminution des pensions. Et puis, l'espérance de vie d'une génération, calculer la pension de retraite en appliquant un coefficient lié sur l'espérance de vie d'une génération. C'est bien beau tout ça, mais entre un cadre dans un bureau, comme moi, ou un manœuvre sur les chantiers exposés aux intempéries, même si nous sommes nés tous les deux en 1959, il n'est pas certain que nous ayons la même espérance de vie. Donc, il est évident que là, il y a, je dirais, un piège. C'est-à-dire que de quelle espérance de vie va-t-on parler? Et l'espérance de vie la plus courte, ben, ça veut dire aussi des pensions plus faibles. Non, des pensions, moins de pensions versées. Oui. Voilà. Enfin, comment? Alors là, inconnu total, nous ne savons pas pour l'instant. Comment seront calculées les pensions de réversion et les majorations pour enfants? Pas un mot là-dessus pour l'instant. Et puis ce système universel qu'on nous présente, c'est la fin des statuts, vous allez voir, hein, on n'y comprend rien, c'est une jungle, et puis il y en a marre, il y a des privilèges, il y a des injustices, regardez le statut des cheminots. Eh bien, ce système universel permet le retour des statuts par la grande porte. Pourquoi? Eh bien, parce que les entreprises auront toute liberté pour abonder le compte des candidats à la retraite. Si je veux attirer dans un grand groupe un certain nombre de cadres, je vais leur dire, écoutez, pour votre retraite, nous, en plus, on va verser en plus de ce que vous allez cotiser. Donc, c'est un moyen de rétablir par la bande des statuts qu'on prétend chasser d'un autre côté. Donc, voilà. Donc, au final, ce système qui apparaît d'une simplicité biblique contient un nombre d'effets pervers incalculables. Et moi, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'un mauvais coup se prépare. Mais je vois le mal partout, tu me connais. Je te connais. J'y ajoute d'ailleurs, en t'écoutant, que dès lors qu'on cotise un point pour un euro, j'imagine que les femmes potentiellement, qui sont plus souvent que les hommes victimes de carrières interrompues, cotisent moins, et que donc elles seront exposées aussi à des retraites moins élevées, donc à des durées de travail plus longues. Je me permets de te corriger. Le système qui est prévu, lorsqu'on rentre dans le détail, c'est pas parce qu'on verse un euro de cotisation qu'on touchera un euro. Il faut pas y compter. On va sûrement toucher beaucoup moins que l'euro versé. Un point à valeur variable. Voilà, très variable, et je pense qu'il va varier vers la baisse. Merci beaucoup Serge pour cet éclaircissement. Tu restes avec nous, puisque Julien, je reviens vers vous. Des réformes des retraites, il y en a eu en 93, en 2003, en 2010, en 2013. On a allongé la durée de cotisation, on a reporté l'âge de départ à la retraite. De quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que, clairement, on est en train d'ouvrir ce système de répartition à une privatisation, à un système de capitalisation, ou est-ce qu'on n'est pas encore dans cette démarche-là? C'est une démarche qui cherche à terminer le travail. Effectivement, depuis 95, il y a une tentative des différents gouvernements libéraux et des mouvements libéraux et du capitalisme financier à s'attaquer à cette manne financière. C'est 300 milliards, les retraites. Donc il y a de l'argent à se faire. Mais chez Macron, là, on n'est pas directement dans une phase de marchandisation des retraites. C'est indirect. Par contre, on est totalement dans une logique de libéralisation et d'individualisation. C'est-à-dire que c'est la fin de la logique de solidarité, de la logique de chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, qui régit historiquement le principe des retraites, et c'est le règne du chacun pour soi. Avec, effectivement, mais ça a été très bien expliqué, cette logique de 1 euro pour un point, effectivement, ça ne sera pas un euro versé, un euro de retraite, mais c'est profondément inégalitaire. Ça a été évoqué, les femmes, bien sûr, mais toutes les personnes qui n'auront pas eu la chance d'avoir des carrières longues, toutes les personnes qui ont des métiers les plus usants, fatigants, qui ne pourront pas travailler longtemps, à qui ça profite? À l'électorat d'Emmanuel Macron, aux cadres supérieurs, à ceux et celles qui ont les revenus les plus élevés, qui vont pouvoir effectivement bénéficier d'une retraite suffisante. Et même si le point est baissé effectivement, comme en Suède en 2008. C'est un système qui n'est pas du tout efficace dans des périodes de crise, le système par points. On a les données. Les retraités de ces différents pays, suite à la crise de 2007-2008, ont été les retraités qui ont le plus souffert en Europe. Cette logique-là, effectivement, va favoriser, pour ceux et celles qui le peuvent, d'aller regarder derrière pour une forme de capitalisation. Et là, on ouvre effectivement, par la bande, un système avec un minimum de retraite pour tous, et puis une retraite y compris par capitalisation. Et donc, on profite des inégalités, on abonde pour le secteur financier. C'est bien toute la logique de Macron là qui est là. Et juste un dernier mot sur la méthode qui est utilisée. C'est de l'enfumage total, on le sait bien. Mais il n'y a pas de dialogue depuis six semaines avec les syndicats. On informe les syndicats aujourd'hui. Ils nous présentent un certain nombre, l'état d'avancée, leurs réflexions, etc. Et là, ils utilisent la même méthode qu'ils sont en train d'utiliser pour un autre projet qui est CAP 2022, un projet d'attaque fort sur les services publics. ou qui n'a pas fonctionné. Il y a eu quelques milliers de personnes qui ont répondu sur la base Internet, mais ce n'est pas une consultation, ce n'est pas un vrai débat démocratique. Pourtant, le CAP 22, il y a un comité technique où sont très très bien représentés les chefs d'entreprise, entre autres, qui traversent cette question-là. Justement, je voulais vous poser la question de la méthode, puisque Serge, dès le début, dit « il y a un calendrier ». Et en fait, ce fonctionnement par rétro-planning, comme on dit dans le monde privé, est-ce que ce n'est pas vraiment symbolique de l'accaparation du pouvoir par des... Vous en parlez dans votre livre, d'ailleurs. Par les techniciens du privé qui arrivent, qui est une nouvelle élite d'État qui s'installe. C'est ça, vous l'avez bien dit. Notre sous-titre, c'est un business model au service des puissants. Au service des puissants, je pense que de plus en plus de concitoyens. Qui nous regardent là, bien sûr, sont souvent d'accord, mais au-delà. Un business model parce qu'effectivement Macron est en train d'importer totalement les principes managériels au service de l'État. C'est le remplacement de la politique et du débat démocratique par la gestion froide qui est issue effectivement de la logique du privé. Et donc on est de toute façon dans un enfumage et dans un jeu, un théâtre d'ombre. On nous fait croire qu'il y a du dialogue, qu'on va négocier, qu'on va écouter la société civile. La société civile pour Emmanuel Macron se résume, et on le voit bien avec les députés issus de la fameuse société civile, c'est des chefs d'entreprise. Ce ne sont pas des syndicalistes, ce ne sont pas des associatifs, ce ne sont pas l'ensemble des membres actifs de notre société. Et puis c'est un moyen aussi d'esquiver le débat devant la représentation nationale, parce qu'on s'aperçoit qu'on parle beaucoup de concertation, mais lorsqu'on arrive devant le lieu où par excellence doit s'exprimer le débat. Alors là c'est à marche forcée et l'Assemblée nationale devient une chambre d'enregistrement d'un débat qui est censé se dérouler ailleurs, mais qui ne se déroule pas vraiment comme vous le soulignez à l'instant. C'est un enjeu majeur, cette histoire des retraites, mais comme la SNCF, les services publics, bien sûr, on a intérêt à multiplier le travail qui a été fait là par Serge de décryptage, mais je crois que il faut prendre au sérieux la capacité aussi d'Emmanuel Macron et de sa bande à être assez efficace dans le packaging de ces réformes et de comment ils les vendent. Vous l'avez très bien dit, ils nous le présentent comme l'idée que ce serait plus égalitaire, universel. Bon, et c'est complexe ces histoires de retraite, d'autant que la retraite actuelle, on ne peut pas dire qu'elle satisfasse tout le monde, d'autant que nombreux sont les jeunes de 20 ans aujourd'hui qui ne pensent pas pouvoir avoir de retraite, etc. Donc c'est un enjeu. Alors après, nous dans le livre, on fait tout un chapitre sur les retraites parce qu'on sent bien que là, il y a un travail. Mais on va avoir là, dès maintenant, on a une responsabilité à décrypter tout ce qui se passe et à faire œuvre d'éducation populaire, c'est-à-dire à déconstruire ce discours. Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades. Les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit avec toi je vais aux barricades. La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front. Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire. On les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. Bonsoir. Bombes, fusils à lunettes, mitraillage en tout genre, explosifs, avions téléguidés, ils ont tout essayé pour tenter d'exécuter le général de Gaulle. Ils, ce sont les hommes de l'OAS. Le dossier des brûlures de l'histoire vous racontera ce soir comment le général de Gaulle a réussi à échapper à tous les attentats perpétrés par l'OAS. Avait-il la baraka? Était-il particulièrement protégé? Vous le saurez en écoutant l'historien commissaire Jacques Delarue, qui était aussi un témoin de cette période-là. Et puis, aimez-vous les monstres concupiscents, les vierges effarouchées et les faits divers particulièrement sanglants? Alors vous regarderez un peu plus tard dans l'émission, Maurice Levert vous raconter la naissance du fait divers. C'était à l'aube de la Renaissance. Mais tout de suite, le dossier, objectif de Gaulle. Tuer de Gaulle. Pendant 4 ans, l'objectif numéro 1 des commandos qui se réclamaient de l'OAS fut de tuer le général de Gaulle. C'est cette histoire, l'histoire de ces attentats, l'histoire de ces projets d'attentats, l'histoire aussi de ces hommes qui ont voulu tuer le général que nous allons raconter ce soir. Avec nous, Jacques Delarue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et vos livres sur la période de l'occupation font autorité, mais en ce qui concerne la guerre d'Algérie, je peux dire que vous portez une double casquette ou un double chapeau, puisque non seulement vous êtes historien, mais vous êtes aussi acteur de cette histoire, car à l'époque, vous étiez aux premières loges. Oui, c'est exact. Oui. Alors, quels étaient vos titres et vos fonctions à l'époque? Eh bien, j'étais en fonction depuis la fin de la guerre à la direction centrale de la police judiciaire, au ministère de l'Intérieur, et j'ai fait partie vraiment du petit groupe au début, très petit au début, qui s'est amplifié ensuite, qui s'est agrandi, qui a empêché l'OAS de tuer le général de Gaulle. Et ça n'était pas facile. Alors, commissaire Delarue, nous allons commencer tout de suite l'interrogatoire. Combien, à votre connaissance, y a-t-il eu d'attentats, ou plutôt de projets d'attentats, contre le général entre, disons, 61 et 65? Il y en a eu une quantité phénoménale, puisque tous les groupes qui étaient d'ailleurs souvent rivaux en organisaient, en préparaient en tout cas, sur, absolument sur, 22, dont deux ont été menés jusqu'à leur terme, des attentats de Pont-sur-Seine et du Petit Clamart, et trois au moins ont été arrêtés vraiment à l'ultime seconde, la veille ou voire même le jour même où l'attentat devait être commis par notre intervention. Donc 22 projets. Pour comprendre les motivations de ces hommes, pour se replacer dans le contexte de l'époque, tout de suite un retour en arrière au 13 mai 58. Printemps 58. La guerre d'Algérie dure depuis bientôt 4 ans. La 4e République enlisée dans le Djebel, incapable de gagner la guerre, impuissante à imposer la paix, agonise. Le 13 mai, les activistes de l'Algérie française, en prenant d'assaut le gouvernement général, le GG, veulent imposer à Paris la volonté d'Alger. Mais ceux qui, dans la chaudière d'Alger, se réclament du général de Gaulle, un Massu ou un Delbecq, prennent tout le monde de vitesse. Dès le soir du 13 mai, Massu, à la tête du comité de salut public, fait appel à de Gaulle et le 15, Salan, au balcon du GG, prend la parole. Vive le général de Gaulle, Algérie française ! Ce vive de Gaulle lui a été soufflé dans son dos par Delbecq. Désormais, pour la foule algéroise, le nom de Gaulle est associé à l'Algérie française. Investi président du Conseil le 1er juin 1958, de Gaulle se rend tout de suite en Algérie. Il assène à la foule en délire sur le forum une formule sibylline, ambiguë, qui n'a pas été comprise par tout le monde. Je vous ai compris! La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Dès ce discours, les plus ultras de l'Algérie française rompent avec le général, ainsi Vatin, qui sera de presque tous les attentats contre de Gaulle. Je me suis senti poignardé, véritablement. Et je dis, bon, ben, il n'y a plus qu'une chose, c'est un traître, il faut le tuer. Pourvu que Dieu me prête vie et que le peuple m'écoute, je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Pour les activistes, il est clair que de Gaulle veut abandonner l'Algérie. Pour eux, désormais, il s'agit, sur le terrain, de faire basculer l'armée. En janvier 1960, c'est la semaine des barricades, menée par Pierre Lagaillarde, leader des étudiants, et le cafetier Ortiz. Mon cher et vieux pays, nous voilà donc, encore une fois, ensemble, devant une lourde épreuve, et tandis que des coupables qui rêvent de devenir des usurpateurs invoquent comme prétexte de leurs actes la décision que j'ai prise à propos de l'Algérie, qu'on sache bien et qu'on sache partout que je n'y reviendrai pas. De Gaulle ne cède pas. L'ordre est rétabli. L'armée n'a pas pris parti pour les insurgés qui se rendent. Un an plus tard, tandis que les Français, par référendum, approuvent massivement la politique algérienne du général, un nouveau sigle lancé d'Espagne par Lagaillarde fait son apparition, OAS, Organisation de l'Armée Secrète. Le 22 avril 61, c'est le putsch d'Alger préparé par Argou. Le scénario est toujours le même, s'emparer du pouvoir à Alger pour imposer à Paris la politique que de Gaulle ne veut pas faire. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Le chef de l'État donne le coup de grâce à des putschistes en pleine débandade. Salon passe à la clandestinité. L'OS fera tout pour que l'Algérie ne soit pas séparée de la France. Et nous nous battrons ici pour cela. Les attentats revendiqués par l'OAS se multiplient. Des pourparlers avec le FLN doivent s'ouvrir à Évian. L'OAS abat le maire de la ville, Camille Blanc. Mais l'élimination du chef de l'État devient prioritaire. De Gaulle, je l'ai haï. Et personnellement, je le reconnais. Ce n'est peut-être pas très beau sur le plan du chrétien. Je l'aurais tué de mes propres mains. Et sans réticence. Aucune. La nouvelle d'un attentat manqué contre le chef de l'État français allait se répandre à travers le monde. le ministre de l'Intérieur imputait ce complot à l'OAS, se basant sur les aveux d'un des exécutants, Martial de Villemandy, arrêté près du lieu où la machine infernale avait été disposée. Armand Belvisi, l'un des organisateurs de l'attentat, raconte 30 ans après les préparatifs de l'opération. Moi, j'avais le recrutement du personnel et j'avais le commandement du commando. Nous avions un informateur à l'extérieur de l'Élysée, à la grille du coq, et Cabane de la Prade recevait un message depuis Paris qui le transmettait à De Villemandy, et tous les deux rejoignaient l'un le poste de mise à feu, et Cabane de la Prade, qui était le guetteur, qui devait signaler à Martial De Villemandy l'arrivée incessante du convoi présidentiel. De Villemandy, qui lui faisait la mise à feu, avait une paire de jumelles et il avait constamment les yeux braqués sur la voiture de Cabane de la Prade qui était en stationnement au hameau de la poste. Et c'est par les appels de phare qu'il devait lui signaler la position de la voiture du chef de l'État pour faire la mise à feu qui, elle, devenait instantanée au passage. Il y avait juste en face du tas de sable un arbre et les faisceaux lumineux de la déesse présidentielle se reflétaient dans le haut de l'arbre et on savait qu'à quelques secondes près, la voiture arrivait. À 21h45, le convoi présidentiel roule à 110 sur la Nationale 19. À 600 mètres de Pont-sur-Seine, un mur de flammes barre la route. Le chauffeur, Francis Maroux, accélère. Martial de Villemandy, qui avait déclenché l'explosion, est arrêté peu après. D'abord, il faut dire qu'il faut avoir le courage d'accepter de le faire. C'est pas facile d'appuyer sur un bouton, de dire on va atteindre le président de la République. C'est pas facile. Il a craqué dans la nuit. Il s'est fait arrêter, il a dit oui, c'est moi. Et puis après, il a donné quelques noms. Le soir de l'attentat, j'étais donc à Paris et j'attendais le coup de fil de Martial de Villemandy qui devait me dire que l'attentat avait réussi ou avait loupé. Et moi, j'avais un numéro de téléphone. Il fallait que j'appelle et que je donne le résultat de l'opération. À qui Belvisi devait-il téléphoner ? Interrogé par la police, Manoury parlera d'un certain Germain. Mais Belvisi garde le secret sur l'identité de ce chef qu'il connaissait. Quel maladroit ! Ce fut l'unique commentaire du général de Gaulle. Inconscient du danger, il continue de s'exposer en public, aux grandes dames de ceux qui sont chargés de sa protection. Jacques Delarue, on a l'impression quand même que à cette époque, en 61, la protection du général de Gaulle n'est pas absolument parfaite. Ah, c'est évident, elle était légère, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais de Gaulle était un personnage extrêmement difficile à protéger parce que il ne voulait pas d'une protection lourde. Il voulait, quand il allait dans une ville de province, par exemple, absolument pénétrer dans la foule, aller serrer les mains des gens. Il ne voulait pas du tout être ennuyé. Alors, à cette époque, il y avait d'une part une protection qui était assurée à l'Élysée par la préfecture de police et quand il se déplaçait, par le service des voyages officiels. Mais comment voulez-vous protéger un homme qui refuse des mesures de protection rapprochées ? Si l'OAS avait trouvé un seul homme qui soit prêt à mourir, on ne pouvait strictement rien faire. C'était notre obsession, notre hantise. Voilà, alors justement, le profil de ces hommes qu'on vient de voir, là, du Pont-sur-Seine, on n'a pas l'impression qu'ils étaient des kamikazes. C'est-à-dire que, pas du tout. C'était des gens très ordinaires, mais qu'on embarquait dans des projets extrêmement meurtriers, et nous nous étions rendus compte dès l'abord, et ça on l'avait vu même dès l'Algérie, que des gens comme ça, on pourrait en trouver autant qu'on voudrait. C'était un recrutement inépuisable. Il suffisait de les gonfler, de les fanatiser, on pouvait leur faire n'importe quoi. Celui qui sort du lot, c'est ce fameux Germain, donc, qui évoquait là, la fin de ce sujet, et qui n'est autre que... Que Bastien Thiry, mais ça nous ne le saurons que nettement plus tard. Mais en même temps... Donc que l'auteur de l'attentat du Petit Clamart, enfin celui qui a monté le Petit Clamart, a déjà monté... L'organisateur de Pont-sur-Seine est le même que celui du Petit Clamart, plus plusieurs préparatifs poussés assez loin qui ont eu lieu entre les deux, n'est-ce pas ? Et il a joué de malchance. On reste un moment encore sur l'attentat de Pont-sur-Seine. C'est un attentat qui est sérieux, où le général de Gaulle a failli se passer, comme on dit. Selon le professeur Forestier, qui était un de nos meilleurs experts en explosifs et en machines infernales, il prétendait que lui, c'était l'attentat de Pont-sur-Seine, il avait été plus dangereux que celui du Petit Clamart. Parce qu'on avait mis quand même une quarantaine de kilos de plastique dans une bouteille de butane, une grande bouteille de butane, et si ça avait fonctionné normalement, c'est-à-dire si le détonateur avait été assez puissant et qu'on ait bien malaxé les pins, on avait un cratère de 8 mètres dans la chaussée et d'un mètre 50 à 2 mètres de profondeur. Donc un effet de choc absolument monstrueux. Et par exemple, le bouchon de la bouteille de butane caché dans le tas de sable a été projeté de l'autre côté de la route et s'est enfoncé dans le talus de l'autre côté. Donc en septembre 61, c'est donc ce premier attentat sérieux contre le général. Et pour vous, ça commence une histoire un peu particulière parce que c'est à ce moment-là qu'il y a un informateur qui prend contact avec vous. Comment ça s'est passé? Quelqu'un qui vous introduisez dans l'OAS. C'est-à-dire qu'il s'est introduit tout seul. Il a fait ses offres de service en écrivant à Alexandre Sanguinetti, qui était au cabinet de Roger Frey, ministre de l'Intérieur, chargé des questions de police, et qu'on commençait à appeler monsieur anti-OAS. Et c'est pour ça qu'il lui a écrit, parce que les journaux lui avaient flanqué cette étiquette-là. Il a écrit en disant qu'il pouvait, se faisait fort de s'introduire au plus haut niveau de l'OAS, qui était en grande partie avec sa direction en Espagne, et, pourvu que, qu'on le paye. Il ne cachait pas son jeu. C'était l'argent. C'était l'argent. Il voulait 50 millions. Ce qui nous a tous fait rire, parce que quand on connaît les peu de moyens de l'administration dans ce domaine, on savait très bien qu'il n'aurait jamais 50 millions. Et en même temps, j'ai appris que c'est moi qui allais être chargé d'exercer le contrôle et le contact vous avec lui. Son officier traitant, comme on dit. C'était un peu ça. Alors donc, j'ai eu très rapidement, on me l'a présenté, on nous a présenté mutuellement. C'était un monsieur qui avait très bonne allure, grand, une chevelure blanche, éblouissante et ondulée, très impeccable, vraiment un monsieur qui pouvait aller partout. Quel était un peu son itinéraire, son profil pour vous proposer ses services comme ça? Eh bien, il était correcteur d'imprimerie dans un journal de province et il avait des ambitions dont il n'avait pas vraiment les moyens. Il avait participé à la campagne poujadiste en Alsace, à l'époque de où les poujadistes avaient eu 50 députés à l'Assemblée nationale, quand même. Et il faut dire que le premier recrutement de l'OAS en métropole, ça a été dans les milieux poujadistes ou ex-poujadistes, qui avaient rompu avec Poujade parce qu'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez violents. Et c'est par cette voie-là que celui qu'on a appelé Benoît, qui était son nom de code, s'est introduit effectivement au plus haut niveau de l'OAS en Espagne. Donc vous avez commencé à partir de septembre 61 à travailler avec cet informateur et ces informations vous ont permis un certain nombre d'arrestations. Ils ont permis beaucoup d'arrestations et ils ont permis d'abord de démanteler au début le premier réseau poujadiste important et ils nous ont permis, ces informations nous ont permis d'empêcher un certain nombre d'attentats et d'arrêter des gens qui préparent des attentats. On va le voir maintenant. Tandis que les attentats se multiplient en métropole, le commissaire de la rue bénéficie des informations que lui livre Benoît. La taupe s'est infiltrée dans un groupe d'extrême droite, Maquis, Résurrection, Patrie, que dirige Marcel Bouillet, ancien poujadiste, responsable d'une centaine d'attentats. Exilé en Espagne où il est assigné à résidence, Benoît le fait évader et rentrer en France. C'est dans le Paris-Strasbourg que le commissaire de la rue procède lui-même, le 31 janvier 62, à l'arrestation de Bouillet. Les documents saisis sur Bouillet confirment ses liens avec le docteur Lefebvre, agitateur d'extrême droite, cofondateur de l'OAS à Madrid. Le même jour que Bouillet, un ancien légionnaire, Castille, est arrêté. Entre les différents groupes, OAS Métro, OAS Madrid, d'autres encore, les rivalités sont telles que nul ne sait qui commande à qui. Salan envoie à Paris son propre représentant, André Canal, en le chargeant de la mission France 3, qui lui donne tous les pouvoirs pour la réorganisation des réseaux. André Canal, dit le monocle noir, est responsable de nombreux attentats meurtriers avant d'être arrêté à son tour le 4 mai 62. Derrière cette fenêtre, une fillette de 4 ans était grièvement blessée au visage par une explosion visant l'appartement de M. André Malraux. Ici les Moulineaux, cependant, était le théâtre du plus odieux des attentats que l'OAS ait commis jusqu'ici en France. L'explosion d'une voiture piégée faisait 3 morts. Par cette politique de terreur, l'OAS cherche à empêcher les accords d'Évian qui donnent l'indépendance à l'Algérie. En avril, après Jouot, Salan est arrêté à Alger. L'OAS n'a plus de chef, mais en a-t-elle jamais eu ? Les commandos Delta, livrés à eux-mêmes, continuent attentats et plastiquages. Un de ces commandos, commandé par Blanchy, est arrêté au moment où il s'apprête à mettre à exécution un projet d'attentat pratiquement imparable. Lors de la réception à l'Élysée, en mai 1962 du président mauritanien Ould Dada, un tireur placé dans l'appartement situé en face de l'Élysée devait abattre le chef de l'État avec un fusil à lunettes. Le mois suivant, Benoît avertit que plusieurs attentats contre le chef de l'État sont en préparation. Ils doivent avoir lieu pendant une tournée dans l'Est. La mobilisation policière exceptionnelle empêche les tueurs de passer à l'acte. Ce n'est que partie remise. Alors Jacques Delarue, on vient de voir toutes ces arrestations qui ont été permises en partie par votre informateur Benoît. Ce que je voudrais savoir, c'est comment vous travailliez avec lui, comment ça se passait ? Le problème avec les informateurs, et en particulier avec celui-là, c'est que ce qu'ils redoutent le plus, c'est qu'on leur montre du mépris. Bon, il est évident que ce qu'il faisait était parfaitement méprisable, puisqu'il vendait littéralement pour de l'argent, l'argent sonnant. Bah, à toutes ces lettres se terminent par des demandes d'argent. Là, vous avez apporté des lettres de... Mais alors, donc, nous, où il m'écrivait, chez moi d'ailleurs, pour ne pas éveiller l'attention, s'il avait écrit au ministère de l'Intérieur, ça aurait éveillé l'attention. Par exemple, quand on s'apprête à exfiltrer littéralement Bouillet d'Espagne, il m'écrit, n'est-ce pas, une première lettre... Mauvaise nouvelle, les médecins qui étaient d'accord pour faire sortir le malade de l'hôpital se heurtent à son refus parce que d'autres malades ne pouvaient pas sortir en même temps. C'est toujours en termes sibyllins, voyez-vous. Voilà une autre qui est datée de Madrid, du grand hôtel Velázquez. Les nouvelles sont meilleures. Aujourd'hui, B, c'est-à-dire Bouillet, est enfin décidé. La sortie de l'hôpital aura lieu jeudi. Il arrivera avec moi entre le 15 et le 18 dans la capitale, etc. Mais beaucoup d'autres lettres se terminent comme celle-ci, n'est-ce pas ? Je suis décidé, à condition que les moyens financiers demandés me soient fournis, d'atteindre la tête en Algérie. C'est maintenant possible pour moi aussi. J'attends de vos nouvelles, des nouvelles favorables pour agir. Il n'a pas caché dès le début qu'il voulait de l'argent et il va en réclamer sans arrêt. Alors, vous le rencontriez où et comment ? Alors, nos rencontres avaient lieu soit à Perpignan, soit à Barcelone, soit à Madrid, soit à Strasbourg. C'est-à-dire que c'est une époque où j'ai vraiment beaucoup voyagé. J'ai gardé mon passeport de l'époque, il est vraiment couvert de tampons. Et quand j'allais le voir en Espagne, il m'a même fait assister en donnant un rendez-vous extrêmement important au bar de l'hôtel dans lequel nous étions descendus, lui et moi. Pas au même étage, mais bref. Et j'ai assisté depuis le bar à la réunion où il y avait le colonel Garde et un certain nombre de personnages extrêmement importants de l'OS. Et j'étais remonté dans ma chambre après avoir vu tout le monde et il était convenu que si on lui posait une question à laquelle il ne pouvait pas répondre, il prétexterait qu'il n'avait plus de cigarette pour monter en chercher dans sa chambre, en réalité pour venir me demander ce qu'il devait répondre. Ça se passait de cette façon. Et quelles informations capitales, quels renseignements vraiment importants il vous a communiqué pendant toute cette période ? Mais par exemple, il nous a annoncé l'arrivée de Canal, le monocle. On l'a vu tout à l'heure, oui. Dès son arrivée, il nous a dit un envoyé de Salan vient d'arriver en métropole, ou va arriver dans la semaine qui vient, avec mission de reprendre en main tous les réseaux qui lui échappent, en fait, car personne n'obéissait à ça, là, en réalité. Et encore une question sur Benoît. Il n'a jamais été soupçonné par ses... Il a été soupçonné deux fois. Et une fois même, dans un journal de l'OS, on a indiqué qu'il fallait montrer la plus grande méfiance à l'égard de Pastis, c'était son pseudonyme dans Pastis, l'OS. Pastis, c'est son pseudonyme. Dans l'OS, Benoît chez nous, Pastis, puis Gutenberg chez eux. Et il a fait front tout de suite en disant comment moi, avec mon passé, ce que j'ai fait, enfin, il avait vraiment un estomac d'acier. C'est un homme qui joignait un culot monumental à une extrême prudence. Le 1er juillet, l'indépendance de l'Algérie est proclamée. Alors que l'exode des pieds noirs amorcé depuis quelques mois s'amplifie, un Conseil national de la résistance, le CNR, dirigé par Argout, Bidault, Soustelle, remplace une OAS en pleine déliquescence. Ce CNR condamne De Gaulle à mort, mais il n'a pas les moyens de faire exécuter sa sentence. Désormais, de petits groupes tenteront d'abattre celui qu'ils considèrent comme un traître. Tandis que les conjurés de Pont-sur-Seine passent en jugement, l'organisateur de l'attentat, Bastien Thiry, monte de nouvelles opérations. On veut le tuer à tout prix, on est décidé à tuer à tout prix et on agit comme des cons, comme des enfants. Bon, mais on va lui faire un attentat, puis on va lui faire un attentat à la désespérée. On a acheté une voiture d'occasion américaine, on a acheté les chemises bariolées, les Panama blancs, pour la toquer. Bernier et moi se déguiser en américain en vacances. Et la voiture du général s'arrête à notre hauteur. Et donc, on ne regarde jamais rien du tout. Il est comme ça. Mais la femme, qui est comme toutes les femmes très curieuses, elle regarde, et, qu'est-ce que c'est cette voiture? Et je faisais des mouvements désespérés pour sortir ma mitraillette, parce que je l'avais en bonne voie pour tirer comme ça, mais pas pour tirer comme ça. Elle a vu que j'avais compris, qu'elle a compris, que j'ai compris. Enfin bref, on s'est très bien entendu pendant 5 secondes. Et les flics, on s'est deux coups de sifflet, puis ils sont passés. Le groupe Bastien-Thiry effectue 7 tentatives en quelques semaines. Moi, j'ai été très ennuyé parce que Bastien-Thiry nous dit on ne peut plus refaire l'analogue de Pont-sur-Seine. C'était dans la ville qu'il fallait le faire. Alors, ça posait beaucoup de problèmes parce que se mettre en embuscade, imaginez-vous, avec 60 ou 70 voitures à la minute, c'est pas du tout ça m'ennuyait de tuer ou de frôner une personne. Moi, ça m'est complètement égal. J'ai un sens de la piété, de la ferveur au-dessus de ces quotidiennetés. Quand de Gaulle partait de l'Élysée, c'est au dernier moment qu'il disait ou qu'on disait à son chauffeur « Vous allez prendre tel itinéraire. » J'ai dit au chauffeur « Marou, le même itinéraire que ce matin. » À 19h50, le 22 août, le cortège présidentiel passe devant les Invalides. C'est bien l'itinéraire de Clamart qui a été choisi. Le guetteur appelle Bastien-Thiry qui attend dans un café de Meudon. Bastien-Thiry a agité le journal. Bernier l'a peut-être vu mal parce qu'il faisait déjà nuit. Le signal a été perçu un peu tardivement. J'ai regardé vers la droite et j'ai vu une estafette dont on venait d'ouvrir les portes. Quand la camionnette a tiré, elle a démarré un petit peu en retard. Et ils n'ont pas tiré en l'air, les types. Attention, ils ont tiré. J'ai vu gicler des étincelles sur la route. Et des balles ont commencé à arriver dans le devant de la voiture. Marou m'a un peu posé la question, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend à gauche, à droite, du regard? Et en regardant à gauche, j'ai vu l'idée à toit blanc, qui était sur à une quarantaine de mètres de là, avec un chargeur de Thompson sur la portière avant droite et un autre pistolet mitrailleur sur la portière arrière droite. J'ai vu la voiture passer à 100 à l'heure. Oh, comme on dit en Algérie, il s'en va. Alors je me suis sorti à moitié corps de la voiture et j'ai tiré une rafale. Alors là, je me suis retourné, j'ai hurlé, « Mon père, je vous prie, baissez-vous !» Mais j'ai hurlé, hein, littéralement. Le général était tellement surpris que je lui donne des ordres qu'il s'est baissé. Et au moment où il s'est baissé, j'ai vu la glace partir en éclats. Et ma belle-mère s'est baissée aussi à cet endroit-là, sinon elle aurait été tuée par une autre balle qui est encore dans la voiture à hauteur de sa tête. Et j'ai vu la vitre étoilée. Ah, j'ai dit, attends, ça y est, tu as fait le coup du roi, là. Eh ben non. Mon beau-père s'est retourné une fois relevé et il m'a dit « Mais Alain, ils nous suivent !» Je perdais du terrain en arrivant au point du petit Clamart. C'est tout le problème. C'est-à-dire qu'il s'en est fallu de... une seconde. L'enquête progresse vite. Dès le 3 septembre, Magade, dit la globule, est arrêté. Il donne les noms et surnoms des conjurés qu'il connaît. Jacques Prévost est arrêté le 5 septembre à Paris, ainsi qu'Alain Bougrenet de la Tocnay. Ils sont condamnés à mort avec le chef du groupe, Bastien-Thiry. Seul ce dernier ne bénéficiera pas de la grâce présidentielle. Ce qu'il n'admettait pas, c'est qu'on fasse un attentat dans une voiture où il y avait une femme. Alors ça, c'est à mon avis la raison pour laquelle il n'a pas pardonné à Bastien-Thiry. Bastien-Thiry sera fusillé le 11 mars 63. Les attentats perpétrés ou préparés contre ma vie, me font une obligation d'assurer, après moi, pour autant que je le puisse, une république solide, ce qui implique qu'elle le soit au sommet. Quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Jacques Delarue, l'opération du Petit Clamart, c'est une vraie opération de guerre. Ça aurait très bien pu réussir. Ah, tout à fait. Comme celle de Pont-sur-Seine, d'ailleurs. Celle du Petit Clamart a échoué parce que les choses ne se passent jamais sur le terrain comme on l'a prévu. Et Bastien Thiry, étant polytechnicien, enfermait ses hommes dans un schéma extrêmement rigide. C'est, à mon avis, la cause des échecs, d'ailleurs. Si au Petit Clamart, ils avaient plus de liberté d'action, probablement, ils auraient parfaitement pu réussir. Mais De Gaulle a eu beaucoup de retard. Il roulait beaucoup plus vite que Bastien Thiry n'avait calculé, si bien que le tir axial est devenu un tir latéral. Mais c'est quand même un véritable miracle si De Gaulle s'en est tiré. Hein. Et Madame De Gaulle, tout le monde pouvait être tué dans cette voiture. Normalement, ils auraient dû tous être tués. Alors cet attentat du Petit Clamart, il a eu des conséquences politiques très importantes. Très importantes, puisqu'une semaine plus tard, De Gaulle annonce son intention d'organiser un référendum pour modifier la Constitution, et c'est-à-dire instaurer l'élection du président de la République au suffrage universel. Il a eu un effet secondaire, c'est que dès cette annonce, les gens de l'OAS ont pensé que De Gaulle échouerait au référendum. Serait battu et donc... D'une part, ils ont joué l'inconstitutionnalité, et Benoît nous tenait au courant et nous a dit un jour, on a apporté, pendant que j'étais chez X, un personnage important de l'OAS, un petit papier disant le Conseil constitutionnel mollit, et effectivement le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent, et ce petit papier nous l'avons d'ailleurs retrouvé dans une perquisition quelques mois plus tard. Ensuite, comme De Gaulle a gagné le référendum, ils ont pensé qu'il allait perdre les élections. Au lieu de les perdre, il y a eu 60 députés gaullistes de plus qu'à l'Assemblée précédente. Et pendant cette période, comme ils pensaient que De Gaulle serait débarqué légalement, ils ont stoppé les attentats. Nous avons donc eu un certain répit. Et puis les projets ont repris. Tout de suite après, alors une foule de projets. Par exemple, un attentat comme celui de l'école militaire, ce projet, vous qui assurez la protection du général, vous êtes assez démuni devant un tel projet. Nous n'assurions pas la protection. Ça, je veux dire, je parle au sens général des forces de police. Nous essayons d'empêcher les attentats, ou ensuite, quand ils avaient lieu, d'arrêter ceux qu'ils avaient exécutés. Parce que c'était des gens très farfelus, mais quand nous avons découvert que Vatin était dans le coup, Vatin qui avait été pratiquement dans tous les coups. C'est le seul qui passe à travers à chaque fois, qui a réussi, c'est affiche le camp à toutes les fois. Et puis il y a eu des projets aussi contre le Premier ministre, Georges Pompidou. Deux tentatives qui sont allées très loin, puisque si elles n'ont pas eu lieu, c'est que Pompidou n'est pas venu. Il l'attendait à la sortie de la messe, à Orvilliers. Ce jour-là, Pompidou n'est pas allé à la messe, il est allé dans une autre commune. À cette époque, l'OAS en tant que tel n'existe plus, c'est le CNR, le Conseil National de la Résistance, présidé par Georges Bidault, et dont Antoine Argout, et le principal, Soustelle sont les principaux responsables. Voilà, et le général gardiste. Et alors, ce moment-là, survient l'épisode de l'enlèvement d'Argout. Qui est Argout à ce moment-là? Eh ben, Argout, c'est vraiment l'homme qui est le vrai patron de ce qui est le CNR, mais que Salan a stigmatisé lui-même dans une lettre en disant que le CNR, l'OS, c'est la même chose. Ils ont pris un nouveau sigle parce que l'OS est un sigle complètement déconsidéré et rejeté par les Français. Hein. En plein carnaval de Munich, l'hôtel Edenwolf a été le théâtre d'un enlèvement rocambolesque. C'est au beau milieu de ce hall que l'ex-colonel Argout, responsable militaire de l'OAS en métropole, a été kidnappé par de mystérieux personnages en présence de cet homme, portier de nuit. Argout se rend souvent en Allemagne, où il compte des amis dans les régiments transférés d'Algérie après l'échec du putsch. Chef du CNR, il organise depuis son exil des actions sur le territoire français. En Allemagne, il rencontre Georges Bidault et Jacques Soustelle. Son travail de recrutement, le colonel Argout le menait auprès de jeunes officiers. Le lendemain de ce café parisien, un personnage non moins mystérieux téléphonait à la police judiciaire de vouloir bien prendre livraison à deux pas de là d'Antoine Argout ligoté dans une camionnette. Ce qui fut fait aussitôt. La réalité, une fois de plus, dépasse la fiction des romans d'espionnage. Donc cet enlèvement, on peut le dire aujourd'hui, il a été ordonné au lieu. Absolument. Et les officiers qui ont participé à cet enlèvement étaient tous volontaires. Alors il y a eu une première tentative à Munich qui a échoué tout de suite parce que le chef du commando était connu d'Argout et qu'Argout l'a repéré dans la rue. Ils se sont donc retirés immédiatement. Il y a eu une deuxième tentative à Rome qui n'a pas marché non plus et une troisième tentative à Munich qui a marché. Avec cette particularité que les gens qui l'attendaient à Munich n'avaient pas d'informations et qu'ils ont reçu le matin de l'enlèvement l'information de Paris par téléphone, leur disant « Argout sera dans tel avion arrivant de Rome à telle heure ». Mais de Paris, c'est-à-dire venant d'où? De leur direction. Mais donc l'information venait de Rome. c'est-à-dire qu'elle venait de l'entourage immédiat d'Argout. Et je comprends bien, vous voulez dire que c'est l'entourage d'Argout qui a donné Argout. C'est évident. Ça ne peut pas être autre chose. Vous avez des soupçons? Oui. J'en ai deux, mais comme rien ne me permettrait de les étayer d'une façon certaine, je pense que le colonel Argout, lui, peut peut-être savoir qui l'a donné, parce qu'il a bel et bien été donné par quelqu'un de son entourage immédiat. Parce que qui pouvait savoir quel vol il allait les prendre qui arrivait à Munich à telle heure? L'ordre d'enlever Argout remonte jusqu'où en haut? Je pense qu'il émane du ministre des Armées pour faire cesser le débauchage des jeunes officiers. Est-ce que vous pensez que le ministre des Armées de l'époque peut donner un tel ordre sans en référer à Matignon et à l'Élysée? Ah, ça c'est à M. Mesmer qu'il faudrait poser la question, n'est-ce pas? Votre avis? Je n'en sais rien. Je pense qu'il avait à cette époque-là une autonomie suffisante pour une opération qui n'était pas une opération tellement conséquente. Il ne s'agissait pas de tuer le colonel Argout, mais de le livrer à la justice, ce qui a été fait. En tout état de cause, ce ne sont donc pas des barbouzes, comme on a dit à l'époque. Absolument pas. Mais des officiers de l'armée française. La légende des barbouzes est née d'un journaliste qui est aujourd'hui très proche, ou qui a été très proche du Front National, et qui a présenté des photographies à Argout. Et il faut dire qu'il y avait dans ces barbouzes, qui étaient impliqués dans l'affaire Benbarka, un personnage qui ressemblait considérablement à un des officiers qui a participé à l'enlèvement d'Argout. Et je pense que donc le colonel Argout était de bonne foi quand il a attribué à des barbouzes, mais en réalité il n'y en avait absolument aucune. J'ai d'ailleurs reconstitué complètement cette équipe et je déposerai tous ces documents aux archives nationales. Quand tout le monde sera mort, elles seront consultables. Donc on pourra savoir qui et comment. Parfaitement, mais vous sans doute, pas moi, ni le colonel Argout. Donc après l'enlèvement d'Argout, les projets d'attentat continuent, on va voir ça maintenant. Le 15 août 64, le général de Gaulle commémore en Provence le 20e anniversaire du débarquement allié. Lors de cette visite, il se rend au mont Faron, au-dessus de Toulon, pour l'inauguration d'un mémorial. 13 jours plus tard, une flamme jaillit d'une grande jarre. À l'intérieur, une machine infernale à moitié consumée. Une longue enquête permit de remonter à un légionnaire suisse, Lehmann, et à Gilles Bouchia, arrêtés tous les deux. Les deux hommes avaient projeté de faire exploser une charge sous la tombe de Clémenceau au moment où le chef de l'État en déplacement en Vendée se recueillait. Le changement de date du voyage empêche l'exécution du plan. En novembre 1964, lors du voyage du général à Strasbourg, un projet d'attentat avec un avion téléguidé bourré d'explosifs est déjoué au dernier moment. Ainsi, bien après la fin du conflit algérien, de petits groupes d'hommes cherchèrent à éliminer le général. Était-il maladroit, peu chanceux, pas assez kamikaze? Malgré les menaces, malgré les balles, De Gaulle, imperturbable, continue d'arpenter l'histoire. Jacques Delarue, on l'a vu tout au long de cette histoire, des attentats et des projets attentats, on se rend compte que l'OAS, enfin ce qu'on appelle l'OAS, était très bien renseigné. Alors il y a une question qui a couru et qui court toujours, à savoir, est-ce que l'OAS avait des informateurs à l'Élysée? Est-ce qu'il y avait une taupe à l'Élysée? Ben écoutez, nous en avons eu la preuve d'une façon très simple. Le 31 décembre 63, les gens de l'OAS Espagne, dont l'attentat de Kennedy avait fait de nouveau phosphorer, n'est-ce pas, sur l'attentat contre De Gaulle, Benoît m'écrit le 31 décembre 63 pour me dire De Gaulle va aller en Vendée et un attentat va être organisé contre lui pendant ce voyage en Vendée. J'en réfère tout de suite à mon patron, qui était Honoré Gévaudan. Il me dit, mais De Gaulle va en Vendée? Moi, je ne sais pas. Voilà la lettre que je viens de recevoir de Benoît, qui était rentré à Strasbourg pour les fêtes. Honoré téléphone à notre directeur, Michel Hack, dit, un voyage en Vendée, je suis pas au courant. Nous appelons notre ancien patron, Georges Parra, qui était devenu directeur des voyages officiels. Voyage en Vendée, dit-il. Je suis pas au courant. Bon. On appelle le directeur général, M. Grimaud, voyage en Vendée. Attendez, j'appelle le ministre. J'appelle le ministre, voyage en Vendée. Non, personne ne m'a rien dit. Le DG insiste un peu. Le ministre appelle l'Élysée. On lui dit, oui, le général a décidé d'aller en Vendée, mais aucune date n'est encore fixée. Ça redescend l'échelle hiérarchique, ça arrive chez nous. Alors là, nous sommes atterrés, parce que comment? Personne dans toute la hiérarchie policière, parmi tous les gens qui sont chargés de la protection de De Gaulle, n'est au courant, mais l'OAS en Espagne sait déjà que De Gaulle va aller en Vendée. Nous avions eu des doutes au moment de l'attentat de Pont-sur-Seine, au point que nous avions fait changer le système d'immatriculation des voitures de l'Élysée. Mais à ce moment-là, le doute n'était plus permis. Alors la question se posait de savoir si nous devions intervenir ou non. Nous nous sommes rendus compte tout de suite après, on a beaucoup réfléchi naturellement, que intervenir à l'Élysée ne conduirait à rien. Sinon jeter le trouble. et qu'en plus, nous risquions de dévoiler que nous avions un informateur. Par contre, en observant le silence le plus complet, nous, nous savions qu'ils avaient un informateur à l'Élysée, eux ne savaient pas que nous avions un informateur chez eux. Nous avons donc décidé de ne rien faire. Mais à quel niveau, d'après vous, se situait cet informateur ? À mon avis, à un niveau tout à fait subalterne. Parce que ce qui les intéressait, ce n'est pas comme on l'a écrit, n'est-ce pas, ce qu'ils disent en Conseil des ministres. Il suffisait de lire Le Monde le lendemain pour savoir ce qu'ils étaient dit au Conseil des ministres. Puis, quand, il y avait une foule de gens qui le savaient. Mais ce qui les intéressait, c'était des renseignements bassement matériels. Le numéro de la voiture, la place de la voiture du président dans le minuscule cortège. L'itinéraire éventuellement. Et l'itinéraire, voilà. Ça, c'était ça qui était important. Alors, ils n'ont pas eu une taupe, ils en ont eu successivement deux et probablement trois. Vous les avez identifiés ? Non. Un, nous sommes certains que c'est un commandant de gendarmerie. Il n'a jamais été inquiété ? Jamais, absolument pas, puisque de toute façon, ça ne ramenait à rien. Puis ensuite, les amnisties sont arrivées très rapidement, bon. Mais... Ça vous posait pas un problème moral de savoir qu'il y avait un colonel de gendarmerie à l'Élysée qui renseignait les tueurs de l'OAS? Naturellement que ça posait un sacré problème et que nous avions bien envie de pénétrer pour savoir ce qui se passait dans cette maison. Mais encore une fois, ça aurait été extrêmement dangereux. Nous avons choisi la bonne solution. La preuve, c'est que, à part Pont-sur-Seine et le Petit Clamart, aucun des autres attentats n'a connu de début d'exécution. Parce que le général de Gaulle, il faut le dire aussi, avait une grande baraka. Extraordinaire, extraordinaire, parce que cet homme qui était pratiquement impossible à protéger sérieusement, il y a eu deux choses qui l'ont protégé. Sa chance, d'une part, et le fait que tous les gens qui voulaient le tuer ne voulaient pas mourir. Notre hantise, c'était ça, qui est un Ravaillac, qui est un Jacques Clément. Bon, alors là, on était complètement désarmés. Mais il n'y en a pas eu. Merci Jacques Delarue pour toutes ces informations. Je vais renvoyer à votre livre, qui est paru il y a quelques années aux éditions Fayard, Jacques Delarue, l'OAS contre De Gaulle. Je cite également le livre qui est un de vos ouvrages qui est paru il y a longtemps, mais une réédition en ce moment, qui n'a rien à voir avec la guerre d'Algérie, c'est Trafic et crimes sous l'occupation, également aux éditions Fayard, Jacques Delarue. Et sur la guerre d'Algérie, deux livres, celui de Pierre Miquel, qui paraît aussi chez Fayard, La guerre d'Algérie, et toujours de Pierre Miquel, La guerre d'Algérie, image inédite des archives militaires, avec des photos très très belles, assez extraordinaires, sur le conflit algérien. Il y a 20 ans. Je voudrais une réservation en première classe pour moi jusqu'à Lyon, une réservation pour ma fille qui prolonge jusqu'à Marseille, également en première classe, et deux réservations wagon-restaurant, s'il vous plaît. C'est possible ? Oh, papa, on a oublié le chien. Tout cela va changer. Dans quelques semaines, à la gare Saint-Lazare et pour tout le réseau d'ici à la fin de 1974, la SNCF met en place la réservation électronique. En clair, derrière chaque guichet, un clavier relié directement à deux ordinateurs installés à Paris, au pont Cardinet. Quelques touches sur la machine et toutes les combinaisons possibles, tous les désirs exprimés, seront traités et satisfaits en quelques secondes. Il y a 30 ans. 2500 personnalités du tout Paris viennent, en baptisant un hebdomadaire pour la jeunesse, de faire une découverte. Après l'âge de Catherine et celui de Brigitte, voici venir l'âge de Caroline. Une nouvelle vague chasse l'autre, c'est la loi de la vie. Mais à quoi rêvent les jeunes filles en fleurs ? Quel sera le style de cette génération ? Il est certain que l'ère négligée a fait son temps. Simon Langeac prévoit pour Caroline une élégance capillaire discrète. Jacques Estérel, une mode délibérément axée sur la fraîcheur et la juste mesure. Il y a dans le monde bien des secrets de joie pure qui ne s'apprennent pas à l'école. Saluons donc ce retour de la jeune fille moderne au sens pratique teinté de poésie. Après Dien Bien Phu, le président de Go Dinh Diem prenait en charge les destinées du Sud-Vietnam. Il était alors très populaire et lorsqu'en 1955, les troupes caodaïstes se rallièrent au gouvernement national, il devint l'homme fort du Sud-Est asiatique. C'est alors qu'il fit régner sur le pays une véritable dictature familiale qui ne tarda pas à lui valoir l'hostilité de son peuple, en particulier des bouddhistes. Longtemps, le soutien financier, politique et technique des États-Unis lui permit de se maintenir au pouvoir en triomphant de multiples tentatives de coup d'État. L'impopularité de Diem fit cependant tache d'huile et finit par atteindre ses protecteurs américains eux-mêmes. C'est sans aucun doute cet abandon général qui permit à ses chefs militaires de réussir enfin leur coup d'État après quelques heures de combat qui ensanglantèrent Saïgon. Diem et sa famille éliminés, où ira le Sud-Vietnam, toujours en guerre contre le Nord? C'est la grande inconnue de demain. Il y a 40 ans. À la fin de l'année, un assez bel appartement va se trouver vacant, 55 Faubourg Saint-Honoré. En raison de la crise du logement, les candidats ne manqueront pas. Mais les éventuels locataires de l'Élysée connaissent-ils exactement l'importance de la reprise? Si l'on en croit la Constitution, la présidence de la République est la plus haute magistrature de l'État. Elle hisse l'heureux élu au fait des honneurs, mais aussi au sommet des responsabilités publiques. L'exceptionnelle popularité à laquelle a su accéder le président Auriol rend sa succession presque impossible. Après tous les gestes de salut qu'il a dispensés depuis 1947 aux quatre coins du monde, c'est lui qui aujourd'hui, au moment où il va abandonner le pouvoir, mérite un grand coup de chapeau. Il y a 50 ans, Staline, Roosevelt et Churchill se rencontrent à Téhéran. Les trois grands alliés dans la guerre discutent du partage territorial de l'Europe. Je déclare ouverte la séance du tirage de la première tranche de la loterie nationale. Il y a 60 ans, le premier tirage de la loterie nationale. Un coiffeur de Tarascon gagne les 5 millions. Le numéro 18 414 gagne 5 millions. Il y a 80 ans. Allons, la vie est belle. Il y a des remèdes pour les foies trop bien nourries. Pour 5 000 francs, on peut rouler en Chenard et Walker. Et pour 20 000, en Belle américaine. Les routes du tourisme naissant ignorent les embouteillages. Et si l'on veut vraiment se tuer au volant, on n'a guère que la ressource des compétitions automobiles en herbe. Il aime les hommes qu'on juge pervers, les monstres concupiscents et les faits divers sanglants. Notre invité de ce soir dans notre rubrique Passé-Présent est Maurice Levert. Alors, du marquis de Sade, du divin marquis, aux faits divers sanglants, finalement, vous n'avez pas changé d'univers, Maurice Levert. Toujours l'horreur. L'horreur et la séduction. C'est toujours l'horreur. C'est beaucoup ce que l'on appelle le sadisme. C'est aussi la fascination, quand même, la fascination pour le mal. D'ailleurs, j'ai l'occasion de citer Sade dans l'introduction de ce livre, parce que je crois qu'il nous a appris mieux que quiconque que l'homme ne voyait jamais son semblable souffrir sans une certaine jouissance. C'est affreux de se dire ça, mais c'est quand même une part de vérité, la vérité humaine. Alors cette vérité humaine, elle se retrouvait à des milliers d'exemplaires dans des petits canards, c'est-à-dire des petits journaux qu'on vendait sur les marchés, sur les places publiques. Ils étaient vendus par colportage, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y avait ce que l'on appelait des colporteurs ou des contre-porteux ou encore des porte-paniers qui se promenaient avec, dans leur panier, des petites brochures, des minces brochures, comme qui ça. Qui ne coûtaient pas cher. Qui coûtaient un ou deux sols, c'est-à-dire que c'était à la portée de toutes les bourses, si vous voulez. C'était à peu près le prix d'un quotidien aujourd'hui, vous voyez. Mais, alors, c'était des choses qui ne se conservaient pas. On ne jugeait pas utile de les garder dans la bibliothèque. On les consommait très vite, on les jetait aussi vite. Alors comment les avez-vous retrouvés? Puisque nous sommes dans un magazine d'histoire. Vous ne les avez pas inventés, tous ces faits divers que vous nous racontez? Bien sûr que non, je ne les ai pas inventés. Et encore, je n'en ai publié qu'une soixantaine. Je ne pouvais pas publier tous ceux qu'on a retrouvés. Il y en a à peu près 550 qui ont été retrouvés. Mais ce n'est pas tout ce qui a été publié. Il s'en est publié beaucoup plus que ça. Mais en fait, il en reste peu parce qu'on ne les conservait pas, précisément. On les fabriquait dans des conditions absolument hallucinantes, sans argent, oui. Avec finalement une composition très maladroite, peu importe. Ce qu'il fallait, c'était qu'on pleure et puis qu'on ait peur. Exactement. Et puis qu'on soit horrifié. Il fallait se faire peur. C'était fabriqué de façon très artisanale. C'était ce que l'on appelait ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt de la littérature populaire. C'était destiné plutôt aux gens de la campagne, aux gens des villes qui étaient un petit peu crédules quand même, hein, et qui étaient susceptibles de croire un petit peu des histoires fantasques. Vous ne pensiez pas que les aristocrates se délectaient aussi à ce genre d'histoire? Bien sûr. Mais alors là, c'était un amusement. C'était au second de degré, je dirais. Hein, quand, par exemple, un gentilhomme comme Pierre de l'Étoile achète ses brochures, les lit, les conserve, les collectionne, c'est parce qu'il s'amuse beaucoup de leur contenu. En réalité, ce n'était pas des histoires si folles que ça, c'était des faits divers, ce qu'on appelle des faits divers. Pas si folles. Non, parce Écoutez, des jeunes gens qui reçoivent au début de leur nuit une jeune femme ravissante et puis qui, ça se comprend, la met dans son lit puis le matin la retrouve morte, vous trouvez ça normal? Des villages entiers hantés par des serpents venimeux, des monstres concupiscents qui viennent vous exciter la nuit. Oui, mais tout ça vous voyez ça à l'une de vos journaux aujourd'hui? Non, oh, vous savez, je crois que les gens sont suffisamment crédules aujourd'hui pour attacher crédit à des choses qui sont tout aussi extravagantes. Mais ce qui est extravagant, ce n'est pas le fait lui-même, c'est l'explication qu'on donne au fait. Le fait divers, il est attesté souvent par d'autres témoignages, par des procès, par des mémoires, par des correspondances. On retrouve des affaires exactement telles qu'elles se sont passées. Donc on fabrique l'histoire à partir des histoires. Voilà, réelles. C'est-à-dire qu'on l'explique à partir de faits surnaturels, n'est-ce pas? Un fait divers, fût-ce un crime, un incendie, une naissance monstrueuse, une inondation, quelque chose d'extravagant et qui échappe, disons, à la raison humaine, a toujours, on lui trouve une cause surnaturelle. C'est à cause du diable, ou c'est à cause de Dieu, ou c'est à cause du démon, d'une possession diabolique, etc. etc. Ou c'est à cause de l'amour. Souvent. Et là, je dois dire que la femme a très mauvaise réputation, oui. Chère Laure Adler. Excusez-moi de vous le dire. Oui, mais nous sommes à la Renaissance. Tout cela a changé. Oui, ça a changé, je l'espère. En tout cas, dans les mentalités et dans les têtes que ça a changé. Mais il faut bien dire que dans l'esprit de l'époque, et surtout dans l'esprit des canardiers, c'est-à-dire de ceux qui écrivent ces brochures, la femme est la créature du diable. C'est à cause d'elle que tous les malheurs et toutes les souffrances, n'est-ce pas, retombent sur les hommes. Pourquoi ? Parce que la femme est l'objet de désir et par conséquent, elle entraîne l'homme dans un abîme de corruption et de désolation. D'abord, elle le fait souffrir physiquement, elle le déconstruit, elle le détruit. Grâce ou à cause de la vérole, c'est une maladie qui tue énormément, et tout cela vient naturellement de la femme. Et l'histoire puis les diables embrassent les femmes la nuit. Oui, et il y a les diables amoureux, les diables concupiscents, comme vous disiez très justement, les diables, mais alors ils ne sont jamais vraiment amoureux, ils ne sont pas passionnés, ils sont, comment dire, ils sont vicieux, ils sont dangereux, ils possèdent également la femme, parce que seule la femme est vraiment possédée du diable. Évidemment, l'homme échappe à cette malédiction. L'histoire que vous racontiez tout à l'heure de cette jeune fille qui passe une nuit d'amour avec un beau jeune homme et lorsqu'il se réveille le matin, eh bien, elle est morte. Et en plus, non seulement elle est morte, mais il faut ajouter un détail, c'est que son corps se décompose dans une espèce de putréfaction immonde avec une puanteur. Bon, eh bien, c'est quoi ? Tout ça, c'est l'allégorie de la vérole, bien entendu. Donc la femme est dangereuse. Ce qui me fait d'ailleurs penser que les auteurs, tous anonymes, je le précise, de ces canards... Vous pensez bien, sans ça, ils auraient été traînés devant les tribunaux. Non, pas du tout, parce qu'au contraire, chaque canard est une leçon de morale en même temps. Oui, parce qu'il y a un préambule et un épilogue. Absolument. Où l'auteur se dédouane de toutes ces horreurs qui nous ont tant fait frissonner. Tout à fait, il se dédouane, c'est le mot qui convient, parce qu'il donne une leçon de morale avant, après, pour dire, voyez, nous vivons dans un absolument corrompu. Les hommes sont arrivés à un tel degré de bestialité, de férocité. Voilà ce qui arrive, n'est-ce pas? Et alors là, il se délecte effectivement à écrire ses récits, peut-être pas autant que le lecteur à les lire. Ça, c'est vrai. J'ajoute que la délectation, encore aujourd'hui, est extrêmement forte. Mais quand on lit votre livre, Maurice Levers, non seulement on est tenté par la séduction qu'opèrent tous ces récits qui, encore aujourd'hui, nous travaillent, si j'ose dire, de l'intérieur. Mais vous en profitez aussi dans une préface extrêmement brillante pour finalement dire que cette fascination pour le meurtre, pour tout ce qui est un peu tératologique, finalement a existé depuis la Renaissance et qu'elle a envahi littéralement notre société d'aujourd'hui avec pour arène privilégiée la télévision. Bien sûr. Pensez par exemple à la controverse aujourd'hui sur les reality shows, n'est-ce pas, à ce voyeurisme du spectateur. Mais alors là, si vous permettez... Vous devriez d'ailleurs vous tuer en direct, puisque vous commencez votre livre comme ça, en disant que la perfection de notre séduction pour le fait divers et qu'un invité ou l'animateur se tue en direct. Oui, je ne souhaite cela ni à l'animateur, ni à l'invité, ni à celui d'aujourd'hui, ni à ceux à venir. Mais je voudrais dire quand même qu'il est facile, et très facile, d'accuser les médias de corrompre notre pauvre humanité, n'est-ce pas ? Tout se passe comme si, au fond, la télévision, c'était une conspiration de réalisateurs plus pervers les uns que les autres et qui ne cherchaient qu'à déstabiliser, qu'à faire souffrir, n'est-ce pas, les candides téléspectateurs que nous sommes. C'est vous le pervers, en l'occurrence, avec la séduction que vous opérez sur le lecteur. Peut-être, mais j'aimerais quand même qu'on cesse cette hypocrisie et qu'on consente à voir les choses en face, c'est-à-dire que s'il y a effectivement des reality shows, c'est que à cause de notre voyeurisme impénitent, si impénitent qu'on ne s'en est pas guéri depuis le 16e siècle. Et ancré historiquement. Et bien sûr. En tout cas, je vous remercie pour la qualité de votre livre, son côté brillant et son côté pétri de séduction dans tous les sens du terme. Et puis, je voulais vous parler de quelques événements historiques. Mmh. Vous qui aimez les faits divers et les choses un peu étranges, il y a une exposition au musée Jean Jaurès, actuellement à Castres, qui raconte l'histoire des présidents de la République, figurez-vous. Eh bien, c'est un métier assez singulier, comme vous le savez, mais aussi très difficile et très dangereux. Deux présidents de la République furent assassinés. Tenez, voici un jeu, vous les reconnaissez tous. Savez-vous qui était le plus jeune président de la République en France ? Est-ce que ce n'était pas Carnot ? Non, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Ah. Et il avait 40 ans quand il a pris le pouvoir. Connaissez-vous le mot d'Armand Falière recevant son successeur Poincaré à l'Élysée ? Non. Faites comme si je ne m'en souvenais pas. Eh bien, sa phrase était la suivante. « Je vous laisse ma place. La place n'est pas mauvaise, mais il n'y a pas d'avancement. » Et donc, dans ce musée de Castres, une très jolie exposition racontant toute l'histoire et les histoires autour de nos présidents de la République française. Et puis chez Hachette, dans la collection Atlas, sort un gros et beau livre, Paris, histoire d'une ville. C'est l'œuvre d'un géographe, Jean-Robert Pitt. Un chapitre est consacré particulièrement à l'époque d'Henri IV. C'est une des époques les plus bienheureuses qu'ait vécu Paris. Création de la place Dauphine, du Pont Neuf, de la place des Vosges et embellissement du Louvre et création du Jardin des Tuileries. Et puisque nous parlons du Louvre, un numéro spécial de Télérama hors série sortira dans 2 jours. Il est consacré totalement au Grand Louvre. Il est en collaboration avec France 3. Vous y trouverez des portraits du Louvre par plusieurs écrivains, un texte d'Umberto Eco et une interview de François Mitterrand qui a retenu les leçons de Colbert qui, à l'intention de Louis XIV, lui disait « Pour laisser votre trace dans l'histoire, rien de mieux que de construire des grands monuments ». Alors Maurice Levers, je vous remercie. Les brûlures de l'histoire, bonsoir. Thank you.

qui a lieu à cette époque que l'Allemagne n'a jamais montré. Il n'y a pas une scène de terreur ou de violence. Oui. Et j'ai dit que c'était fait exactement par un Allemand qui n'a pas voulu le montrer, de montrer cet aspect. C'est vrai, mais parce que... Ça m'a pris longtemps. Hier soir, ma femme m'a dit, que pensez-vous? Qu'est-ce que vous faites? J'étais assis. J'ai réfléchi exactement sur ça. J'ai dit, si un Français l'a fait, il n'aurait jamais fait un documentaire comme ça. Il y a des choses qui auraient dû être beaucoup plus développées. Bah, c'est un peu une petite déception que j'ai, c'est-à-dire que la période où on raconte, où la réalisatrice montre ce que vous avez fait pendant la guerre, c'est-à-dire vous partez en vélo à la frontière, vous prévenez le commandant, puis vous revenez, puis vous découvrez que l'armée allemande est cachée dans la forêt et vous revenez. On a l'impression, quand on voit le film, ça c'est déjà énorme et magnifique que vous ayez fait ça, mais on a l'impression que vous n'avez fait que ça pendant toute la période d'espionnage. Mais c'est ce que je trouve également, qu'on n'a pas donné assez de temps et assez... d'explications sur ce que j'ai vraiment fait. Par exemple, on n'a jamais dit que je m'étais évadée de Freiburg parce que j'avais peur de l'armée française qui avait des Marocains, des Algériens, des Tunisiens et des Noirs. C'était extrêmement important. Parce que c'est pourquoi ce colonel a eu complètement confiance en moi. Il a trouvé que j'étais le modèle d'une patriote allemande. Et c'est pourquoi il m'a dit où était caché le remnant de l'armée allemande. Alors il y a des petites choses qu'on n'a pas dit qui étaient extrêmement importantes. On va y venir à tout ça, peut-être, parce que les gens qui vont regarder notre entretien ne vous connaissent pas. Peut-être qu'on va si c'est, j'espère que ça ne sera pas trop fastidieux pour vous, mais non, il faut déjà dire que dans quelques mois, vous aurez 100 ans. Oui. Vous êtes né à Metz, où on se trouve aujourd'hui. Et alors, le hasard fait que vous êtes né à l'endroit où moi j'ai habité, au quartier Sainte-Thérèse. Oui, à Nantes, je ne suis pas née là. Ah bon ? J'ai habité là, à partir de 25, de 1925. Mais c'est 5 ans auparavant, nous avons habité rue Tendor. D'accord, d'accord. Et alors après, ce qui m'a fait drôle dans le film, c'est que mes filles ont été à l'école, à l'endroit où vous jouiez au football avec vos frères et vos sœurs. Ah bon? Oui. Mais il n'y avait pas d'école. Oh, oui, maintenant, c'est plus tard. C'est plus tard. Qui a été construite. Oui. Et moi, j'ai habité là 20 ans. Nous avons habité à partir de 1925, rue Maréchal Pétain. Ah, oui. Alors, donc, vous êtes une famille juive donc, qui habite à Metz. Nous étions 8, mais un de mes petits frères est mort pendant la Première Guerre mondiale en 1916. Donc, avant que je sois née. Alors, nous avons été élevés 7. D'accord. 2 frères et 4 sœurs. Très bien. Et tout se passe à peu près bien jusqu'à l'invasion allemande. Oui. Où là, vous partez. Non, nous partons avant. Oui. Nous sommes partis en août 1939 parce que la préfecture a demandé que tous les gens qui pouvaient partir... avec leurs propres moyens, le fassent. Alors, nous sommes partis. Mais mes 2 frères étaient dans l'armée. L'un dans la ligne Maginot et l'autre faisait son service militaire en Tunisie. Et votre père était photographe ? Il n'était pas photographe. Il avait des photographes qui travaillaient pour lui. Mais c'est lui qui faisait les encadrements. D'accord. Et alors, quand vous quittez Metz à cause de l'arrivée d'Hitler et des nazis, vous allez vivre à quel endroit À Poitiers. À Poitiers. Il y avait tout un programme pour tous les gens de la région Est. D'accord. Et tout, tous les villages, toutes les petites villes, toutes les plus grandes villes avaient une ville assignée. Et Poitiers était assigné aux Messins. D'accord. Parce que Metz était occupé par l'armée allemande. Oui, mais nous sommes partis avant. Avant, d'accord. Oui. Non, mais j'ai bien compris. Oui. Et Poitiers était du mauvais côté de la ligne de démarcation. Oui, mais ça, on ne pouvait pas deviner d'avance. D'accord. Et alors là, bon, il y a toute cette histoire. Vous tombez très amoureuse d'un jeune homme qui se destine à des études de médecine. Il était à l'école de médecine quand je l'ai rencontré. Et, avec ma sœur. Voilà, il était très beau d'ailleurs, il s'appelait, je ne me souviens plus de son nom. Jacques. Jacques, voilà. Parce que j'ai perdu mon emploi à la mairie de Poitiers, et là encore, on n'a pas dit que ces policiers militaires allemands étaient venus avec des fusils et des baïonnettes pour dire à trois jeunes filles qu'elles n'avaient plus le droit de travailler. Parce que vous étiez juive. Toutes les trois. Parce que nous étions les seuls à Poitiers qui parlaient l'allemand. Et nous traduisions pour le bureau de réquisition. De réquisition. Et votre connaissance de la langue allemande, c'est votre enfance à Metz qui vous le doit ? Mes parents étaient à Metz et pendant toute l'annexation, on dit annexation, oui. Il n'était pas permis de parler le français. Alors, ils n'ont jamais appris le français, mais ils ne parlaient pas le yiddish. Ils parlaient un très bel allemand. Très bien. Et donc là... Et comme enfant, avec eux, je ne parlais que l'allemand. Mais avec mes sœurs et frères aînés qui étaient déjà à l'école française, nous ne parlions que le français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parlez très bien l'allemand, très bien le français et très bien l'anglais. L'allemand, j'ai beaucoup oublié parce qu'aux États-Unis, je ne parle jamais. Et d'accord. Je suis aux États-Unis depuis 1956. Bon, il faut dire que vous vivez à Los Angeles, dans une très belle maison où il y a un rameur. Major oui. fait du sport, j'ai vu. Oui, nous avons une très belle maison sur une colline au-dessus de l'Atlantique, du Pacifique. Oui, non, on voit les images dans le film. Oui. Et alors, à Poitiers, une de vos voisines... Odile de Morin. Voilà. Vous prévient un soir... Non, ce n'est pas une voisine. Odile de Morin était à l'école d'infirmière avec moi, dans ma classe. Elle vous prévient que les Allemands vont venir vous rafler ? C'est la première fois à Poitiers que les Juifs français allaient être arrêtés. Du moins, ça, c'était l'information qu'elle avait. Et donc là, ce qu'il faut dire aussi, c'est que votre sœur Stéphanie a été arrêtée. Était déjà arrêtée, mais elle avait fait un mois de prison dont on n'a pas parlé dans le film non plus. Mais alors, je résume, vous étiez amie avec un paysan de là-bas qui aidait les Juifs à passer en zone libre. Oui, nous l'avons rencontré parce que mon frère aîné, qui était prisonnier de guerre, s'est évadé. Il est venu à Poitiers et c'est lui qui a rencontré M. Degout quand il a essayé de traverser la ligne de démarcation près de sa ferme. Il a été arrêté. C'était fin 40. Alors les Allemands n'étaient pas encore virulents à l'époque et ils ne s'en sont pas rendus compte qu'ils étaient prisonniers évadés. Ils l'ont relâché après un mois de prison. Et il est repassé par la ferme de M. Degout en zone libre. Parce que, comme prisonnier de guerre évadé, il ne pouvait pas rester en zone occupée. À ce moment-là, vous et votre sœur, vous aidez des Juifs à traverser Pas seulement des Juifs. Nous aidions tous ceux qui sonnaient à notre porte. Et il y avait toutes sortes de gens qui sonnaient à notre porte. La majorité était juive, mais il n'y avait pas que des Juifs. Et vous faisiez partie d'un réseau, non, on peut dire ? Non, nous avions organisé ça nous-mêmes. Mais parce que des gens commençaient à sonner à notre porte, nous ne savions pas qui les envoyait. Personne ne nous... Et on n'y questionnait jamais. Oui, ça pouvait être un piège organisé par les Allemands. Non, parce que... C'était vraiment des gens qui avaient besoin. Nous leur parlions et nous découvrions s'ils étaient vraiment des Français ou des étrangers vivant en France depuis longtemps, et s'ils avaient vraiment besoin d'aller en zone libre. D'accord. Nous discutions avec eux et nous avions une bonne sensation si oui ou non, et on n'a découvert aucun qui voulait nous jouer un tour. Vous aviez quel âge à l'époque ? 21 ans. 21 ans. Vous êtes née en 1920, donc on est en 41. Et votre sœur Stéphanie avait quel âge ? Elle avait 16 mois de moins que moi. Vous aviez une troisième sœur aussi, une petite sœur ? J'avais trois autres sœurs. Une sœur aînée qui était à Paris depuis 1940. Elle n'était pas à la maison. Et deux plus jeunes sœurs, Hélène et Rosie. Qui étaient, elles, à Poitiers avec vous ? Elles étaient à Poitiers. Mais elles étaient trop jeunes pour s'occuper de tout ça. Oui, elles étaient à l'école. Et vous aviez aussi votre maman ? Oui, et ma grand-mère, la mère de ma mère. Et votre père était là aussi ? Et mon père était là également. Et il travaillait, lui, à ce moment-là, ou pas ? Non, il ne parlait pas assez bien le français moment-là. Vous viviez de quoi, financièrement, à cette période-là ? Eh bien, nous avions ouvert un magasin, ma sœur aînée et moi, pour pouvoir nourrir la famille. Et c'est mon frère aîné qui nous a donné qui était à l'armée. Mais il est venu en congé vers Noël et il nous a donné l'argent parce que mes parents n'avaient pas d'argent. Et c'était un magasin de quoi ? De gros, de vêtements. Arrivons au drame, c'est-à-dire que on vous prévient que vous allez être raflé, arrêté par les Allemands et vous décidez... Enfin, votre sœur d'abord est arrêtée parce qu'elle est dénoncée, parce qu'on a retrouvé... Non, on n'a pas dénoncé. La lettre qu'elle a écrite a été interceptée. Et moi, j'ai cru que c'était la Gestapo. Et dans le livre, j'ai écrit que c'était la Gestapo. Mais des années plus tard, j'ai fait de la recherche et j'ai trouvé que c'était la SIPO. SIPO, des initiales d'un très long nom allemand, ce qui veut dire sécurité. Et Hitler a signé le décret pour fonder la SIPO en mars 1942. D'accord. Et ma sœur a été arrêtée le 17 juin 1942. C'est-à-dire que la SIPO était déjà en place et arrêtée dans tous les pays occupés par l'armée allemande à l'époque. C'est ce que j'ai retrouvé. Ils ouvraient les courriers privés, quoi. Oui, ça ne les gênait pas beaucoup. Ce que je n'ai pas compris dans le film, c'est que cette lettre, elle était destinée à Monsieur Degout. Oui, au paysan. Elle était, parce que un jeune homme qui avait traversé chez Monsieur Degout, envoyé par nous, avait oublié chez nous son bon de tabac. Et il en avait besoin parce que il ne fumait pas, donc il n'en avait pas besoin pour cela. Mais on l'échangeait pour la nourriture. Et la nourriture était déjà restreinte à cette époque, partout. Mais alors, quand la lettre est saisie, pourquoi M. Degout n'a pas été inquiété, lui ? Mais il a été inquiété. Ah oui. Il y avait... Les Allemands étaient chez lui, les hippos, en train de l'interroger. Et il nous a envoyé son fils pour nous prévenir. Et nous n'avons rien fait. Parce que nous ne savions pas qu'il y avait cette lettre. D'accord, je comprends. Ma sœur l'avait envoyée à M. Degout et nous ne le savions pas. Et surtout, elle a fait une grosse erreur. Elle l'a signée de son nom. Ben oui. Ce que nous ne faisions jamais. Pourquoi elle l'a fait, nous ne savons pas. On ne lui a jamais posé la question, c'était trop tard. Et lui, M. Degout, a échappé à l'arrestation ? Ben, parce que ma sœur a refusé de donner des informations sur lui. D'accord. Toute information qu'elle aurait donnée aurait été une dénonciation. Elle a refusé de parler. Donc ils sont revenus à la maison et ont arrêté mon père pour faire pression sur elle. Et même en sa présence, elle a refusé de parler. Alors elle a fait un mois de prison. Elle a célébré son 21e anniversaire en prison, le 10 juillet 1942. et après ce mois de prison, on l'a envoyé dans le camp où il n'y avait que des juifs étrangers, jusque-là. Parce que les Allemands n'avaient pas encore arrêté à Poitiers des juifs français. Votre sœur, malheureusement, va être déportée parce que vous allez, vous, vous enfuir avec le... Oui, mais elle m'a dit, parce que nous avions arrangé qu'elle s'évade. Oui. Et elle n'a pas voulu s'évader. Pour ne pas elle vous mettre en danger. Oui. Comment ? Pour ne pas vous mettre en danger, vous. Oui, mais d'abord, elle nous a dit qu'elle ne voulait pas... mais ce n'est pas par... avec moi qu'elle a parlé. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elle a dit d'abord qu'elle ne voulait pas partir parce que ce qu'elle faisait pour les enfants était trop important. Et elle soignait les enfants dans le camp. Elle avait très peu d'outils, mais ça valait mieux que rien. Et quand moi, je suis allée la voir pour lui dire « Mais tu ne te rends pas compte que ta mère a autant besoin de toi que des enfants. » Elle m'a regardée et m'a dit « Toi, tu ne te rends pas compte que si moi je m'évade, vous allez tous être arrêtés. » Je n'y avais jamais songé. Mais en chemin du retour, j'avais une très longue marche, j'ai décidé que nous allions tous partir en zone libre pour qu'elle puisse évader également. Et j'ai tout organisé. J'étais la plus vieille à la maison. Et comme mes parents ne parlaient pas le français aussi bien, c'est nous qui prenions le dessus. Alors, vous partez avec votre vieux vélo, avec votre grand-mère sur le vélo d'un côté, enfin sur le vélo, et votre mère d'un côté, vous, oui, de l'autre. À faire combien ? Il y a 15, 20 kilomètres ou... Non, non. Moins ? Non, non, non. On n'a fait qu'un demi-kilomètre. Ah, d'accord. Parce qu'elles sont arrivées en autobus jusque devant l'église. Qui, elles ? Ma mère et ma grand-mère. Ah, très bien. Et moi, je les attendais dans l'église toute la journée. Parce que le matin, mon père, avec mes deux plus jeunes sœurs, était passé. Et nous avions avec nous un petit garçon qui avait à peu près 8 ans à ce moment-là, qui était avec nous depuis l'âge de 3 ans. Il était allemand, un juif allemand, un cousin à nous. D'accord. Et nous, mon frère aîné, ma sœur aînée, l'avaient sorti d'Allemagne le jour après Kristallnacht. Et il a vécu toute la guerre avec nous, il a survécu. Il est maintenant en Israël. D'accord. Où je l'ai revu. Ah, ça doit être émouvant de, oui, le revoir. Et alors, vous avez traversé cette ligne de démarcation. Oui. Et à ce moment-là, vous êtes réunis, toute votre famille ensemble. C'est-à-dire, vous retrouvez votre père, vos deux sœurs. Oui. Et vous vivez où? Mais on m'avait dit le matin qu'une famille avait été arrêtée. Ah, et jusqu'à ce que je les retrouve tard le soir, j'ai cru qu'ils étaient arrêtés. Et toute la journée, j'ai prié dans cette église comme je n'ai jamais prié de vous, ma vie. Juive, vous priez, oui, devant le... Ça n'a aucune importance où on prie. Vous êtes très religieuse, enfin vous... Non, non. Vous êtes athée aujourd'hui? Je ne suis pas athée, je ne sais pas où j'en suis. D'accord. Et je n'ai pas encore fait le nécessaire pour le trouver. Je le remets toujours au lendemain. Ouais, je vous comprends. Alors, à ce moment-là... Une fois que nous sommes, ouais, en zone libre, je suis allée à Marseille pour essayer d'entrer dans une école d'infirmière pour terminer mes études que j'avais commencées à Poitiers. Jacques est toujours là ? Jacques est à Poitiers. Ah oui, puis c'est là qu'à Poitiers, oui, il va se faire arrêter. Oui, mais beaucoup plus tard. Oui. Oui. Et j'essaie de résumer parce que... Oui. Et donc, est-ce que vous étiez consciente de la situation de guerre géopolitique ? Absolument. Oui. Absolument. Et est-ce que votre, comment dire, votre vocation d'aider la France, enfin d'être une si belle résistante, est née dans ces moments-là ? Non. Elle est née avec moi. Expliquez-moi. Eh bien, nous étions très patriotes. Moi, j'étais extrêmement affectée quand j'ai lu l'histoire de Dreyfus. Ah oui. Que la moitié de la France a combattu pour un juif. C'était extraordinaire. Et j'ai... L'autre moitié l'a accusé aussi. Comment ? C'est 50-50, hein, oui, Dreyfus. Mais La moitié de la France s'est battue pour un juif. Oui. Il n'y a aucun pays au monde qui ait jamais fait une chose pareille. Oui. Comme enfant, ça m'a extrêmement affectée. Et beaucoup d'autres choses. Oui. L'histoire de Schwarzbad, je ne sais pas si vous êtes au courant, oui. qui était un juif de Moldavie, tué à Paris, Peltura, qui était le chef des Cosaques en Ukraine, qui avait commis des pogroms atroces. Oui. C'est là où j'ai appris, parce que mon frère aîné lisait le journal à toute la famille tous les soirs. Ah, et j'avais 6 ans, mais je m'en souviens. Très bien. Et d'ailleurs, j'ouvre une... Il y a des choses comme ça qui m'ont affecté. Il a été... Schwarzbad, qui a tué Peltura et qui a attendu que la police vienne pour l'arrêter, a été... on ne l'a pas gardé en prison, on l'a relâché. Ah, très bien. Et c'est Henri Torres, l'avocat Henri Torres, qui l'a défendu. Très bien. Et alors, malheureusement, Jacques va être dénoncé. Il n'a pas été dénoncé. C'est l'homme qu'ils ont voulu empêcher. Ils voulaient lui prendre ses clés pour aller. C'était très enfantin, ce qu'ils avaient imaginé. Ils voulaient aller dans ses bureaux et détruire tous ses documents pour qu'il n'arrête plus de Français. Faut dire, cet homme était un collabo des Allemands. Oui, c'était un collabo terrible. Ouais. Et donc... La police hitlérienne, je ne sais pas, c'était les SS ou la Gestapo s'est vengée. Et a... Non, non. C'était qui? C'est les Français qui l'ont arrêté. Putain, et qui les ont torturés à mort, terriblement. Et ça, vous l'avez su après? Ça, oui, je l'ai su plus tard par la maman de Jacques. D'accord. Quand je l'ai rencontré. Est-ce que la mort de Jacques, dans ces circonstances, c'est ça qui a été déterminant ensuite pour vous pousser à vous engager dans l'armée française? Non, j'avais toujours l'intention de participer, mais la résistance ne m'a pas acceptée. J'avais 1m50, j'étais très mince, très blonde, avec des yeux bleus. Ils considéraient que je n'avais aucune substance, aucune, sans m'interviewer. Ils m'ont simplement regardé et me disaient « Petite fille, retournez chez votre maman. » Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Tom fera du chagrin, si Tom ne dort point jusqu'à demain. Ainsi l'autre jour, un pauvre dentelière, un ami clotance, un petit garçon, qui depuis 3/4 d'heure ne fâche au quai de Brère, tâche de l'endormir par un canchon. Allez, dis Jomain, Narcisse de Matara, du pain épice, du Chicago-go, si que t'es sache que te fais dodo. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Tom fera du chagrin, si Tom dort point jusqu'à demain. Et si Tom lèche faire une bonne semaine, j'irai dégager un bio sarro, un pantalon de drap, un gilet de laine, comme un petit milord te sera pharo. J't'accaterai le jour de l'ducasse, un porichinelle cocasse, un turlututu pour jouer l'air du capio pointu. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Tom fera du chagrin, si Tom dort point jusqu'à demain. Nous irons dans le cours, Jeannette à vague, vire les marionnettes comme te rira. Quand t'atteindras dire un doux poule Jacques, palporichinelle qui parle maga, te l'y mettra d'un smenote au lieu de tout pain rond de carotte, il dira merci pinche comme nous aurons du plaisir. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin.